Robert Lambert a perdu son sac. Robert Lambert est un espion. Il ouvre son agenda. J'ai du travail aujourd'hui, dit-il. Je dois y aller. Robert Lambert va chercher son sac. Mon sac n'est pas là, dit-il. Il cherche partout dans la maison. Mon sac n'est pas dans la maison, dit Robert Lambert. Robert Lambert monte dans l'autobus. Il s'assoit à côté d'un homme. Avez-vous pris mon sac? Dit-il. Non, dit l'homme. Je n'ai pas pris votre sac. Robert Lambert descend de l'autobus. Il va dans un parc. Voici une espionne, dit-il. Et voici mon sac. Robert Lambert s'approche lentement. Robert Lambert se glisse sous le banc. Il met la main sur le sac. Mais l'espionne le voit. Ne touchez pas à mon sac, crie-t-elle. Robert Lambert se relève. Je suis désolé, dit-il. Votre sac ressemble à mon sac. Robert Lambert retourne à la maison sans son sac. Je suis un mauvais espion, dit-il. Robert Lambert s'assoit dans son fauteuil. Oui, dit-il. Il regarde sous le coussin. Oups, dit-il. Voici mon sac.